141e Vampire Fix chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et je débarque encore un coup cette semaine pour la 141e Vampire Fix. Je tenais à vous remercier pour tous vos petits messages que vous m'avez laissés suite à l'émission de la semaine dernière un peu spéciale. Ça me touche beaucoup de voir qu'il y a autant de monde qui suivent cette petite émission. On commencera tout de suite avec Toujours pas une thune en vinyle de Trust. C'est sur l'album Trust, leur premier album sorti en 1979. On retrouve Préfabriqué, Police Milice et Palace, du son hard culte. On continuera avec Épave, le nouveau Sordid Ship. C'est sur l'album Sordid Ship, leur cinquième album, sorti le 5 mars 2018. On retrouve Embarcadère, Bord de Mer et Perdu. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques et ils sont de Lorient. On continuera ensuite avec Snake Charmer, le nouveau Prohibition Dead. C'est sur l'album Directly For Your Eyes, sorti le 24 janvier 2018. On retrouve All I Want To Do, A Devil and a Friend et Kill the Dog. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera un petit classique, Sunday Girl de Blondie. C'est sur l'album Parallel Lines, son troisième album, sorti le 23 septembre 1978. On retrouve Hanging On de Téléphone, One Way or Another et Heart of Glass. Et sur la réédition masterisée de 2001, on trouve une démo et trois lives en bonus. Et on finira ce bloc en live avec Right Me To Me de The Gladiators. C'est sur l'album Naturality sorti en 1979. On retrouve Struggle, Praises the Most High, Dry Your Weeping Eyes du son culte. Bye. Snitch! Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Paper, because we're gonna change the mood to a little bit slower now. This one is called Write to Me. This kind of feeling that I have for you, I for you. Mais oui, vous inquiétez pas les Gladiators, tout le monde va bien ce soir. Vous êtes bien dans la 141e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter toujours pas une thune en vinyle de Trust, Epave, le nouveau Sordid Chip, Snake Charmer, le nouveau Prohibition Dead, Sunday Girl en français s'il vous plaît, et ça c'est rare. Et on a fini ce bloc en live avec Ride to Meet the Gladiators. On continuera cette émission avec Out on Patrol de The Offspring. C'est sur l'album The Offspring, leur premier album sorti le 15 juin 1989. On retrouve Jennifer Lost the War, Crossroad et Kid the President qui sera retiré de l'album après 2001. On écoutera ensuite Mon Sang Tes Lèvres, le nouveau néophyte. C'est sur l'album Vue d'Ensemble sorti le 21 juin 2018. On retrouve Dans les Vignes, Caméra Obscura et L'Attrait du Flou. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec Je veux tes yeux, le nouveau Angèle. C'est sur l'album Brawl sorti le 5 octobre 2018. On retrouve La Thune, Balance ton quoi, La Loi de Murphy. Bah elle, c'est simple, tous ses concerts, les prochains concerts sont à guichet fermé. C'est complet partout, même à l'Olympia. Et pour la petite info, Brawl, ça veut dire désordre en belge. On la retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera ensuite avec Just Like That de Toots and the Metals. C'est aussi le titre de leur album sorti en 1980. On retrouve Chetty Chetty, Turn It Over et Israel Children. Et on finira ce bloc en live avec Manowar et Metal Days. C'est sur l'album Battleism, leur premier album sorti le 7 juin 1982. On retrouve Deathstones, Shellrock et Dark Avenger, un classique de chez classique. We'll be right back. traces de crime me laissent pour toi. J'invite ses amis à me fuir. Mais le timon sort tes lèvres. Les parois lisent marquées du froid. C'est le récit pourri de franchir. Mélodie dans mes règles. Merde vide, les cœurs le sait, sont frémir à l'évocation de ton nom. Je crois pouvoir réunir la plupart des conditions. Le cadre dans ses limites, de fouiller à toutes les convoitises. Mélodie, mon sang, tes lèvres. Je chuchote pendant l'escalier où il serait affiché. Sans frémir à l'évocation de ton nom. Mermire, je crois pouvoir réunir la plupart des conditions. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies,

Vous êtes toujours dans la 141e Bumper Brick, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Out on Control de The Offspring, on a eu ensuite Mon Sang Tes Lèvres, le nouveau Néophyte, Je veux tes yeux, le nouveau Angèle, Just Like That de Toots and the Metal, et on a fini ce bloc en live avec Metal Days de Manowar. On continuera cette émission avec Classic Mashers de Pixies, c'est sur l'album Head Carrier, leur sixième album sorti le 30 septembre 2016. On retrouve Hum Chagalaga, Tenement Song et Head Carrier. On écoutera ensuite Wide One de Thin Lizzy, c'est sur l'album Wide One, The Very Best of Thin Lizzy, sorti le 9 juin 1996, sorti 10 ans après la mort du chanteur Phil Lynott, en hommage à lui. On retrouve Jailbreak, Thunder and Lightning et Killer on the Loose, notamment un classique de chez classique. On écoutera ensuite OK Fred de U-Roy, que je dédicace à Fred Denise de l'émission Let's Rock avec Denise, qui me fait découvrir des super trucs chaque semaine et que vous entendez dans l'émission. C'est extrait de l'album Now, sorti en mai 2001. On retrouve Equal Rights, Coming Home et Wanted. C'est méconnu, U-Roy, malheureusement. On écoutera ensuite à toute bombe le nouveau Torquemada. C'est sur l'album Génération Guerre Sainte, un EP City sorti en 2018. Et à toute bombe et un titre de Star Shooter à la base. On retrouve Démocratie, Vers l'Ouest et Great Irish Land. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec The Red and the Black de Blue Oyster Cult. C'est sur l'album Tyranny and Mutation, leur deuxième album sorti le 11 février 1973. On retrouve Hot Rails to Hell. Baby Ice Dog, qui a été coécrit avec Patti Smith, et Tin Archer du bon son culte. Something that I took. Man, he looks so

Vous êtes bien dans la 141e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Classic Masher de Pixies, White One de Thin Lizzy, OK Fred de U-Roy, à toute bombe le nouveau Torquemada et on a fini ce bloc en live avec The Red and the Black de Blue Oyster Cult. On continuera cette émission avec Common, le nouveau Wood Units sur l'album Memory of a Shithole, sorti en 2018. On retrouve The Price, Devil Blues et Jungle Fever. On les retrouve sur Facebook, Reverb Nation, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Shibicom Calypso, le nouveau Over Nemesis, c'est sur l'album Wink, sorti le 31 août 2018. On retrouve Vault of Blindness, This Mind et Lights of Hope. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Shadows, le nouveau Kima, c'est sur leur deuxième album Résiste, sorti le 10 mai 2018. On retrouve Fairface, Résiste et Monson. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Why de Alton Ellis, c'est sur l'album Valley of Decision, sorti le 12 juin 1996. On retrouve Cry Not For Me, I Love You et I Want You Girl, un des pionniers du reggae. Et on finira ce bloc en live avec Purple Stain de Red Hot Chili Peppers, c'est sur l'album Californication, leur septième album, sorti le 8 juin 1999. On retrouve Around the World, Other Side et This Velvet Glove, un de leurs meilleurs albums selon moi. Words. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. slip is what I win. I'm in your house, now let me spin. Pop a day, don't do pop a day, stop. Step it a beat, dump a day, don't call me. Dip a day, pop a day, and I call up me, stop. Let it go, then it's a beat, yo. I'm black and white, I'm red and blue. Things that look good on you. And if I stop, don't let me go. I'm from a state. In Hollywood, Dracula and Dollarhood. Smoking words were understood. Up to my ass in alligators. Let's get it on with the alligator haters. Did what you did what you said. What's the point, yo, what's the spread? A black and white, a red and blue. The things that look good on you. And if I scream, don't let me go. I'm from a state, I know. And if I don't, for you to stay. Come in the pump, on your way. It's way out there. Vous êtes toujours dans la 141e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Common, le nouveau Voodoo Nins, Shibi comme Calypso, le nouveau Over Nemesis. On a eu ensuite Shadows, le nouveau Kima. On a eu ensuite Why de Alton Ellis. Et on a fini ce bloc en live avec Purple Stain de Red Hot Chili Peppers. On continuera cette émission avec du vinyle, Running with the Devil de Van Halen. C'est sur l'album Van Halen, leur premier album sorti le 10 février 1978. On retrouve Eruption, You Really Got Me et On Fire, un morceau d'anthologie. On écoutera ensuite Peace de Winston McAnuff. C'est sur l'album Diaries of the Silencers 1977-2000. sorti en 2002. On retrouve Fear, Sunset in the Sea et Malcolm X, un classique de chez classique. On écoutera ensuite Black Holes, le nouveau Vis-à-vis, c'est même une exclusivité. C'est sur l'album War Machine qui sortira le 18 janvier 2018 chez Kebra Records. On retrouve Ajak, Don't Turn Around et From LA. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite La Chance de Toulouse, c'est sur l'album Alim Dofé, sorti le 12 juillet 2012. On retrouve Prends ça, Poutois, La Bombe Sega, Pense cette autres qui veut. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Zone de Rammstein, c'est sur l'album Mutter, leur troisième album, sorti le 2 avril 2001. On retrouve Mein Herz Brennt, Firefly et Mutter. My body to be burned. that puffed up. Brother with the sign of peace through all the land. Rejoice at nothing in iniquity, but rejoice in the truth. Bear at all things, believe at all things, hope at all things, endure at all things. We'll be right back. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Et des fois, il n'est pas là, mon âme. Basse pas si li, parce qu'il n'est pas fidèle. Fiez pas trop si li, car il n'est pas éternel. Mais la science, il permet à ou de naître à cas. Quand vraiment ou l'a besoin, il à ce moment-là qu'elle n'y vient pas. Quand il est essayé, il permet à ou de la joie. Pour cause ou rien que li, jusqu'à le moment, il ça va. Et là, au prix, bon Dieu, tout le temps, il est côté. Mais des fois, il oublie à vous. Pour prier bon Dieu, pour tout le temps, il m'a secoué. Et des fois, il connaît plus. Pour prier bon Dieu, pour tout le temps, il est codé. Et des fois, il oublie à vous. Pour prier bon Dieu, pour tout le temps, il m'a secoué. Mais des fois, il connaît plus. Et des fois, il n'est pas là, mon nom. Basse pas si li, parce qu'il n'est pas fidèle. Fiez pas trop si li, car il n'est pas éternel. Si vous s'assouez quatre, faut les marches à côté ou. Si vous faites la politique, il faut qu'il y suive à ou. Fais pas l'intéressant, dis pas où l'a pas besoin la science. Car même scientifique, l'a besoin li qu'on pour faire la science. Et là, au prix, bon Dieu, tout le temps, il est côté. Mais des fois il oublie à vous. Pour prier bon Dieu, pour tout le temps il m'a secoué. Et des fois il connaît plus. Pour prier bon Dieu, pour tout le temps il est codé. Et des fois il oublie à vous. Pour prier bon Dieu, pour tout le temps il m'a secoué. Mais des fois il connaît plus. Hier kommt die Sonne. untergehen. Und die Welt zählt laut bis zehn. Eins, hier kommt die Sonne. On vient de s'écouter Running with the Devil en vinyle de Van Halen, Peace de Winston McAnuff. On a eu les nouveautés et l'exclusivité Black Holes de Vis-à-Vis. On a eu ensuite La Chance de Toulouse et Zone en live de Rammstein. Et oui, j'avais envie un petit peu de soleil pour cette fin d'émission, justement qui touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On finira avec un petit live, Mrs. Robinson de Simon Garfunkel. C'est sur le concert in Central Park, enregistré le 19 septembre 1981, sorti le 16 février 1982. On retrouve Scarborough Fair, Bridge Over Troubled Water et 50 Ways to Live a Lover. Et bien entendu, The Sound of Silence. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks Émission Radio. Salut à toutes et tous, la tribu! Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel. Help you learn to help yourself.